c'est Christo. Avec B3R, B3R, H2R, ok, on représente Bordeaux. Triple ici, frère de MG, ok. Le Phantom, on a une bite énorme, hors norme. C'est le rap dans le sang, je le chante souvent, personne peut me stopper. Il te lance les dents comme si ça est frappé. Mon rap est boxé, moi c'est Christo, je te fais gauche droite sur le ring, je te mets KO. Ok, le rap est dans la place, gros, je le dis, je le fais comme si je l'avais créé. Certaines personnes me suivent sa bite pour l'écouter. Je chante dans un groupe qui s'appelle 2MG, frère, avec B3R, B3R, HH2R, ok. Ouais, écoute bien, son 3, allez, baba, c'est ma bite, j'ai trop la trique, la vie est triste, je me sens moche, nique les porcs, la vie, baby, et il se tire sur les flics. Ouais, écoute bien, son 3, allez, baba, c'est ma bite, j'ai trop la trique, la vie est triste, et je me sens moche, nique les porcs, la vie, baby, et il se tire sur les flics. Ok, ok, c'est B3R, H2R, triple décide, ok, oh Mike, frère. Ok, trop souvent égaré, éclaté par des pavés depuis petit justicier, toujours européen me justifier. Et quiconque me comprend que la vie que j'ai vue tout de suite compris que mes parents m'ont fait. Car le mal est ainsi fait, car mon son est incomprimé, est incompressé, je suis pressé, mon son versé, celui-là pourrait exister. Ma terre, ma tête vient de planer, mais pensez comment les oublier. Et oui, mon rime vient d'être balancé. Eh oui, je méprise, je maîtrise, c'est pédé sous ton mic, frère. Je maîtrise, je méprise, écoute ça, écoute ça. Ouais, écoute bien, son 3, allez, baba, c'est ma bite, j'ai trop la trique, la vie est triste, je me sens moche, nique les porcs, la vie, baby, et il se tire sur les flics. Ouais, ouais, ok, c'est Christo, avec B3R, B3R, HH2R, ok, on représente Bordeaux, triple ici, frère de MG, ok.